Ce soir, je vous ai concocté une succession de pièces tout droit tirées de ma section préférée et personnelle sous la rubrique Death Metal. Donc, tout au long de cette édition du Undead Incorporated Show Réanimation, vous subirez que du métal, bien entendu, qui touche de très près au Death Metal ou qui en est tout simplement. Et de plus, je vous ai préparé trois extraits du nouvel album des Polonais de Vader. Ce qui me fait croire qu'après cet assaut sonore, il ne vous restera plus qu'une chose à faire. Allez vous coucher, faire des cauchemars, vous réveiller en sueur froide, ne plus pouvoir dormir et de vous dire ceci. Tant qu'à ne plus dormir, je devrais continuer à écouter Réanimation, mais l'émission est terminée. Et là, vous commencerez à pleurer. Et c'est alors qu'une voix provenant de nulle part s'adressera à vous en ces paroles. Mais non, crétin, cesse de pleurer puisque tu peux aller sur le site de Réanimation, réanimationad.com, écouter les 8 dernières émissions en podcast. Voilà. Tout ça pour faire une publicité poche du site de Réanimation. Voici Réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout si c'est moi, parce que je suis bien pire que les autres. Et que le pire des autres est bien moins pire que mon moins pire. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated. 'Cause I, Pendragon, said so. Je vous offre ce festin d'entrailles. Go! Being able to walk 18 holes. Là, mon amateur. Bottom

Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation, première édition du mois de juin de l'an de disgrâce 2013, le 3, exactement. Je suis le Dr. Payne Pendragon, je suis avec vous jusqu'à 21h pour vous embaumer de métal. Premier bloc de cette édition qui était déconstitué de ceci à l'instant, Morbid Angel, la longue pièce Destructos vs The Hearth Attack, qu'on le retrouve sur la dernière apparition de cette formation américaine, soit Illud de Venus Insanus, qui est paru en 2011 sur Season of Mist. J'espère fortement que cette fois-ci, Morbid Angel ne prendront pas le même temps pour produire un nouvel album studio que la dernière fois, parce que 9 ans, c'était long. Valen Fire, juste auparavant, est la pièce d'ouverture de cet album Splinters, soit Scabs, paru sur Century Media. Il y a de cela quelques semaines. Psychedelic Gardening, formation canadienne, et la pièce d'ouverture également de leur dernière apparition, Hypnosis, soit la pièce Origin of the Infection. C'est une distribution, une production indépendante. Trypticon, oui, j'avoue que Trypticon donne plus dans un dark metal, mais avouez que celle-ci, Breathing, faisait... en fait, il y avait de bons éléments death metal là-dedans. C'est tiré des dernières parutions de cette formation, également l'album Melana Casmata, qui est paru il y a quelques semaines encore. Ça se compte en mois peut-être, effectivement. En moins quelques semaines, disons. Sous l'étiquette Century Media, nous avons ouvert avec la formation québécoise Insurrection, ou Insurrection, comme bon vous semble, et la pièce d'ouverture également, Festin d'entrailles. Sur le premier album de cette formation, qui porte le nom de Prologue, ils en sont à leur troisième parution complète studio, Les gens d'insurrection. Le dernier paru en 2013 sous le titre de Prototype ou Prototype. C'est toujours bon ce qu'ils font. Et ils sont vraiment, vraiment bons à voir en spectacle. Une très belle énergie qui se dégage de cette formation québécoise. Ceci étant dit, j'aurai une petite chronique cinéma pour vous. J'ai pas écouté grand-chose. J'ai pas vraiment eu le temps. J'ai fait plein d'autres choses. Chronique musicale aussi qui est, ma foi, assez allégée aussi. En fait, je dois vous dire que plus la belle saison avance, moins j'ai de temps pour découvrir de nouvelles choses, parce que il fait chaud. Il faut que je réfléchisse énormément à ma matière première, qui sont mes cadavres, sinon ça sent vraiment mauvais dans la morgue. Donc, je passe mes grandes journées avec un ventilateur à palme, un peu comme dans l'île de Gilligan. Je pédale pour faire du vent, pour aérer un peu ces charmants personnages. Donc, j'écoute moins de trucs. Mais non, c'est fou, je fais pas ça, là. Voyons donc. J'ai engagé quelqu'un pour le faire, voyons. C'est vrai que j'ai un peu moins de temps à consacrer à certaines choses. Il va peut-être avoir moins de chroniques avec moins de nouveautés au niveau cinématographique, mais par contre, musicalement, je me fais un devoir d'essayer de me tenir le plus à jour possible. C'est plus comme ça qu'on doit le considérer et le voir. Oui, c'est effectivement un spécial qui est beaucoup plus axé sur le death metal ce soir. En plus de la présentation de Vader, trois pièces de ce nouvel album, To Be At Any, qui veut dire For You and Fire. C'est une locution latine. Et je ne crois pas avoir le temps de tout vous passer, évidemment, parce que j'en mets énormément à chaque fois en me disant toujours que je ne parlerai pas cette fois-là. Mais c'est impossible, je ne peux combattre ma nature, qui est celle-ci, soit de dire n'importe quoi. Pour dire n'importe quoi, il faut avoir quelque chose à dire, et là, j'ai plus rien à dire. Donc, on va continuer musicalement cette fois-ci avec un autre bloc constitué de 6 superbes pièces, un long bloc de pratiquement 30 minutes, 6 excellentes pièces dans lesquelles vous entendrez du Nile, vous entendrez du Hyon, du Aborted, mais tout de suite, allons-y avec la première apparition de cette formation. Lien entre le premier artiste de ce bloc et le dernier, soit Narcotic Wasteland et Nile, puisqu'il s'agit du projet de Dallas, soit la pièce Keeping Up with the Jones, que l'on retrouve sur l'album du même titre, tout à fait original, Narcotic Wasteland. C'est une sortie indépendante, donc allons-y tout de suite, parce que je l'ai dit et parce que c'est bon. Go! There is no hope or future.

Du 4 mars au 4 juillet 2014, participez au concours de photos vues d'en haut. Mettez-vous dans la peau d'un photographe et immortalisez une scène en milieu aquatique, illustrant la faune, la flore, une activité humaine, la rivière Saint-Maurice ou le parc national de la Mauricie. Soumettez vos 4 meilleurs clichés par catégorie et courez la chance de gagner de nombreux prix en argent, ainsi que des chèques cadeaux, valides entre autres chez Maïcan Aventure, le parc de l'île Melville, la CEPAC, Tremblay Photo, la Cité de l'énergie, le parc national de la Mauricie et bien plus. Pour plus de détails et informations, visitez le bvsm.ca. Merci à la Banque Royale RBC pour la réalisation de ce projet. Le concours photo vu d'en haut 2014 est une présentation de Bassin Versant Saint-Maurice. Chaque semaine, Album Classique vous propose de découvrir ou redécouvrir un joyau de l'histoire de la musique. Des géants du rock aux groupes pop plus obscurs en passant par les albums oubliés, Album Classique se donne la mission de vous les présenter dans leur intégralité, telle que souhaitée par les artistes. Album Classique, les vendredis matins, 10h, sur les ondes de C'est Fou, 89.fm. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2 pour 1 sur la pizza. N'oublie pas non plus nos pointes à 2,30 $ de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de 6,99 $ plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou! Vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Haunted Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Et avant cette pause publicitaire, nous avons entendu cette deuxième portion de l'émission qui était constituée de ceci, formation Nile et la pièce The Gods Who Light Up the Sky at the Gates of Sethu, qui est tirée de l'album At the Gates of Sethu, qui est paru en 2012, dernière apparition de cette formation. Je présume qu'il y en a une autre à venir. Juste auparavant, une des révélations que j'aurais eues jusqu'à présent en 2014, il s'agit de Hour of Penance et la pièce The Secreted Souls, que l'on retrouve sur le dernier album Regicide, probablement, que je vous ai présenté la semaine dernière sous l'étiquette Prosthetic. Nous avions auparavant High On et la pièce Die By My Hands, pièce de clôture de cet album High On's Black, qui est paru, si je ne m'abuse, en 2013. J'ai un blanc de mémoire. Bref, sur Regain Records, excellent album aussi. Hey, de formation italienne qui donne dans un concept très antique romain, et la pièce Sanguine Pluit in Arena, que l'on retrouve sur l'album Spartacus, qui est paru en 2013 sur Blast Head Recording. C'est vraiment excellent. Nous avions les Belges de Aborted et la pièce Cenobites, que l'on retrouve sur la dernière parution. Cette formation Brutal Death Metal, soit de Necrotic Manifesto, qui est paru sur Century Media. Et nous avons ouvert le tout avec Narcotic Wasteland, pardon. Et la pièce Keeping Up with the Jones, Don't Really Don't Know About The Jones. Je sais pas qui sont les Jones, je sais vraiment pas, mais bref, la pièce est excellente. C'est cette première parution de cette formation qui est bien sûr constituée du membre leader de Nile. L'album s'appelle tout simplement Narcotic Wasteland. C'est paru en 2014, quelques mois, et c'est une parution indépendante. Nous allons avoir dans quelques instants Gustave. Mais qu'est-ce qu'il y a, Gustave? Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as faim? Gustave est en train de fouiller dans son papier de garde-manger. Non, mais Gustave, à tous les fois que tu manges, tu fais des dégâts par terre. T'as plus rien pour contenir la nourriture. Il s'en fout. Ah, puis que tu veux en plus que je te quoi? Que je te prépare un golapkiss. Mais qu'est-ce que c'est un golapkiss? Un mets polonais à base de choux et de riz. Ah, OK. Tu veux me faire passer pour un crétin, c'est ça, hein? est plus qu'un crétin. Un imbécile. Ouais, tu peux rire. Gustave, va continuer à fouiller quelque chose, à te mettre dans le pas d'estomac. Gustave a entièrement raison. En fait, il va me faire passer pour un imbécile ce que je suis ce soir parce que je ne pourrai pas vous présenter les pièces de Vader comme prévu. Parce que, effectivement, j'ai amené la pochette, mais j'ai oublié le disque dans mon lecteur. C'est tout si con que ça, effectivement. Et ce n'est pas une blague ici. je croyais pas que Gustave s'en était rendu compte, là. Je voulais l'annoncer d'une façon où le pas simplement en parler et que les choses passent inaperçues, mais non, je ne peux pas. Je vais devoir remettre ça la semaine prochaine. C'est un peu con de ma part, j'en conviens, mais bon. C'est probablement la faute à Gustave. Donc, on va continuer quand même parce qu'on a plein de trucs à écouter encore dans le monde du death metal. Mais on va se faire une petite chronique cinéma immédiatement. Comme je vous ai dit d'emblée en ouverture d'émission, je n'ai pas écouté énormément de choses. Par contre, ce que j'ai vu était vraiment bon. Et je vous parle ici du film The Lone Survivor, qui est un film, c'est un film de guerre, effectivement, d'action, si on veut. Et c'est un film aussi biographique, qui est un film de Peter Berg, qui met en vedette, entre autres, Mark Wahlberg. C'est un film qui relate l'intervention d'un commando qui a eu lieu en juin 2005, des Navy SEALs, qui ont pris part à l'opération qui porte le nom de Red Wings et qui avait pour but de localiser et d'éliminer un leader taliban qui porte le nom de Ahmad Shah. Ça me dit absolument rien. Mais tout a dégénéré rapidement parce qu'ils n'étaient que quatre. Et grâce à un troupeau de chèvres et les bergers, ils se sont fait démasquer. C'est aussi con que ça, mais il faut voir le film pour comprendre. Et ils se sont fait tomber dessus à bras raccourcis par ce leader taliban et son armée qui... méchante gang de crinqués, là. Juste pour vous dire, ils font régner leur propre loi partout où ils passent, dans les villages qui sont de l'Afghanistan. Puis simplement pour afficher leur couleur, ben, ils décapitent des gens. Donc, puis ça, c'est une partie de plaisir pour eux, semble-t-il, là. Donc, ces quatre Navy SEALs sont pris à part par une armée, oui, parce qu'ils sont plusieurs, cette armée de talibans. Ils sont pris dans un territoire qui est hostile, qui est montagneux, qui est jonché de falaises, et ainsi de suite. Et ils sont abandonnés à eux-mêmes parce que les communications radio sont rendues impossibles à l'endroit où ils sont. Il y a beaucoup trop d'interférences. Donc, c'est un combat pour la survie. Et je dois vous dire que c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien acté aussi. J'avoue aussi que Mark Wahlberg est un bon acteur. Il est de plus en plus meilleur, si je peux dire ici. Ce n'est pas un pléonasme. C'est très bien réalisé. Les images sont vraiment bonnes. Graphiquement parlant, là, ça donne le vertige par moment. Et c'est aussi plus prenant du fait qu'on sait que c'est une histoire qui a été vécue, c'est une histoire vraie. Il n'y a eu qu'un seul survivant, qui est le personnage interprété par Mark Wahlberg. Et il l'a eu vraiment par la peau des dents, cette survie-là, parce qu'il a été recueilli à son grand étonnement par un Afghanistan qui lui a sauvé la vie. Et aujourd'hui, il est toujours très, très ami avec cet Afghan. Qu'est-ce que je raconte là? Il est toujours très ami avec cet Afghan. Et il y a énormément d'action, il y a énormément de fusillades, mais ce n'est pas axé uniquement que sur cette action, parce qu'on ressent bien le lien très serré qui tisse entre ces soldats, ces Navy SEALs, et qui comptent royalement les uns sur les autres pour s'en tirer. Et les sacrifices qu'ils font pour aider leurs propres amis. Donc, c'est un excellent film, Lone Survivor. Moi, j'ai donné un 8.5 sur 10. Et je vous dis pourquoi pas plus que ça, parce que ce film-là, selon moi, aurait pu avoir facilement un bon 30 à 40 minutes de plus. Donc, je vous le conseille, si vous aimez le genre, là, action, guerre, Lone Survivor, c'est vraiment très, très bon. Je conclurai cette courte chronique cinéma avec ceci, le film à revoir ou à découvrir. Cette fois-ci, moi, je suis un fan de Sherlock Holmes. Je suis vraiment un fan de Sherlock Holmes. J'adore ce qui a rapport à Sherlock Holmes. Je trouve que c'est un personnage tout à fait fascinant. Et je vous parle d'un film de 1959 qui est une réalisation de Terence Fisher. C'est les belles années de la Hammer Production. J'en ai déjà parlé de la Hammer, qui existe maintenant toujours, qui est revenu tel un phénix de ses cendres. Donc, c'est The Hound of Baskerville qui met en vedette Peter Cushing et Christopher Lee, qui est secondé par André Morel. Donc, deux têtes, deux figures de proue de la Hammer, qui donne dans un excellent mélange entre le mystère et une petite tendance horreur. C'est une enquête de Sherlock Holmes sur le dernier, je pourrais dire, de la lignée des Baskerville, Sir Hugo, et qui, lui, est, semble-t-il, hanté et assailli par une créature maléfique qui semble être un chien de l'enfer. Donc, c'est très bon. C'est pas parce que... Je voudrais vraiment que les auditeurs comprennent qu'ils doivent s'intéresser aux films qui ont été faits il y a une quarantaine, cinquantaine d'années, parce que ces films-là, généralement, ont énormément de contenu. Et en plus de ça, ils nous ont amenés à, indéniablement, à voir ce qu'on écoute aujourd'hui. Mais à l'époque, comme les effets spéciaux étaient loin d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, évidemment, parce que c'était vraiment fait artisanalement, eh bien, le film repose sur le scénario et sur le acting des acteurs, finalement, des personnages. Contrairement à souvent aujourd'hui où tout repose sur les faits et les scénarios sont généralement ou trop souvent, dois-je dire, pauvres, secondés de, je dirais, d'acteurs aussi trop souvent pauvres eux aussi. Bref, The Hound of Baskerville, c'est un film auquel je donne un 9 sur 10. Je l'écoute à tous les années, ce film-là. Il y a diverses versions qui ont été faites selon... Oui, il y en a quelques-unes, versions qui ont été faites selon certaines époques au niveau du cinéma et des séries télévisées. Et à toutes les fois, je dois dire que c'est une des aventures Sherlock Holmes qui est une de mes préférées. Musicalement, nous reviendrons tout à l'heure. Pour tout de suite, nous allons continuer avec une autre portion... En fait, troisième bloc de cette édition de réanimation, un bloc qui dure, ma foi, presque 25 minutes, qui sera constitué de Hammond Vital Remains of the Side Sinister. Donc, on a exploré l'album la semaine dernière, le dernier album, The Post-Apocalyptic Servant. On va débuter tout de suite avec Emolition, The Great Sleep, c'est tiré de Kingdom of Conspiracy. Dernière apparition de cette formation death metal américaine. Go! tell what's happening. Where am I? What's in time? Are there some answers? Where can I find the road to my inner conscience? Maybe there's no explanation. Maybe there's only death. Maybe this is real. Maybe it's evolution. The future, far as the civilization, recognized by desolated cities and dark landscapes. New life forms are created. Human last movement mutated to kill machines. They conquer each other to survive the elements. The sun, taken by the angry gods, causes a sober atmosphere. Dawn, great clouds, and immense assaults will bring results in a flooded world. You lose.

Chronique musicale, ça va être relativement court, vous le savez. Si vous étiez là il y a environ une demi-heure, vous avez su que je devais vous présenter Vader, mais que j'ai amené seulement la pochette du disque. J'ai pas amené le disque avec moi, donc... Mais tout de même, je peux vous dire que l'album TB at Any, qui est paru sur Nuclear Blast, je lui ai donné une cote de 7.5 sur 10. Vous allez dire, Stan Vader, pourquoi c'est pas plus que ça? C'est simple, parce que généralement, Vader, c'est pas mal tout le temps la même chose. Ce qui me plaît, oui. Mais par contre, il n'y a jamais rien d'innovateur en Vader. C'est la même chose. Oui, c'est une qualité d'être fidèle à soi-même. Mais en même temps, on sait à peu près à quoi s'attendre avant même de l'avoir entendu. Donc, c'est pas décevant. C'est pas innovateur, c'est Vader. Donc, un 7.5 pour cet album. Autre chose que j'ai découvert en explorant, il s'agit d'une formation qui donne dans un Stoner Doom Dark Occult Rock. Formation américaine qui porte le nom de Bloody Hammers. Et la pièce, l'album s'appelle Under Satan's Sun. C'est apparu sur Napalm Record. C'est disponible en CD et LP. C'est une très belle pochette. C'est une pochette qui rappelle énormément les films d'horreur des années 70. C'est dans la même veine, si on veut, que les formations telles un peu Ghost, je dirais Person, qu'est-ce que je pourrais nommer aussi comme formation du genre, peut-être Blood Ceremony, ainsi de suite. C'est un vocal qui n'est pas c'est pas un vocal qui a une tendance à être evil en tant que tel, c'est un vocal quand même assez clean, si on veut, mais c'est très bien. Malheureusement, je ne le présenterai pas dans Réanimation parce que ce n'est pas assez méchant pour le type d'émission que je présente. Par contre, je vais le faire à Rock Classique cette semaine, ce vendredi, avec mon ami Rockmaster Alain Lefebvre. Je vais vous présenter deux pièces de cette formation Bloody Hammers. Formation qui se prête beaucoup plus à Rock Classique qu'à Réanimation. Donc, vous pourrez vous joindre à nous et l'écouter. D'ailleurs, le Rockmaster a aussi une présentation qui est le dernier album de Neil Young et il croit qu'il ne vaut pas la peine de se le procurer. Mais vous en saurez plus en écoutant l'émission ce vendredi. Côté spectacle, Trois-Rivières Metal présentera le 28 juin prochain au Rock Café Le Stage dès 20h. Les formations Havoc, Wretched, Hellborn et Satanic Glue Sniffer. L'ouverture des portes est à 19h. C'est pour tous et c'est au coût de 15$. Tandis que Brave Concert nous présente pour le jeudi 26 juin le Conquerors of the World qui met en vedette Septic Flesh, Flesh God Apocalypse, Black Crown Initiate et Necronomicon. C'est au Café Campus. Comme je l'ai dit, c'est le 26 juin, c'est à 18h30, il en coûtera 20$ et 25$ taxes incluses. Pour y assister, les billets sont disponibles au Café Campus, à la billetterie du Café Campus. Et le 18 octobre prochain, BCI nous présente LVT en compagnie de Tyr et Met Satol. C'est le 18 octobre, un samedi à 20h, c'est au Théâtre Corona. Il en coûtera 25$ et 30$ taxes incluses pour y assister. Disponible à la billetterie du Théâtre Corona. Et je viens de vous parler de Conquerors of the World qui met en vedette Septic Flesh. Et bien entendu, sous peu, soit le 20 juin prochain, le nouvel album de Septic Flesh sera disponible. Donc, j'ai bien hâte de l'entendre parce que jusqu'à présent, tout ce que j'ai entendu, c'est le single qu'on avait présenté ici à Réanimation en date du 22 avril dernier. Donc, ça sera probablement encore un bon album, j'en suis certain. La semaine prochaine, je vous propose un spécial que j'ai baptisé Canadian Metallic Assault. Donc, deux blocs consacrés aux formations métal canadiennes, sous la grande bannière canadienne, mais il y a des formations québécoises, bien entendu, dans tout ça. Je présenterai des formations qui n'existent plus, des formations qui sont toujours actives ou des formations, à l'occasion, qui se sont remis dedans. Donc, deux blocs consacrés à ce métal canadien qui, je dois dire, honnêtement, souvent m'a déçu, je dois le dire. Par contre, dernièrement, il y a de très bonnes choses qui sont faites dans les 20-30 dernières années, là, on s'entend, mais généralement parlant, l'espèce de trend qui est le le mot guidant du métal canadien, et québécois aussi, a laissé sortir des bandes qui étaient souvent du même moule, ce qui m'a plus ou moins plu. Mais il y a des bonnes choses qui sortent depuis un certain temps, qui sont signées Made in Canada, puis ça me réconcilie passablement avec ce mouvement. Donc, j'en ai passé un extrait tout à l'heure, si je ne fais que mentionner Psychedelic Gardening, une formation qui vient de l'Ouest canadien, qui a donné un excellent album avec Hypnosis. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Donc, il y a des bonnes choses qui se font. La semaine prochaine, je vais m'attarder, bien entendu, à un retour en arrière, parce que je jouerai principalement dans les années 80 et 90. Puis, c'est pas pour rien que l'émission s'appelle Réanimation, hein, faut le comprendre aussi. Donc, Canadian Metallic Assault, c'est la semaine prochaine. Puis, ben, évidemment, je vais vous présenter ce que je devais faire ce soir. Les pièces du dernier album de Vader, soit TB et Inni. Ça, cette fois-là, je vous promets que je vais pouvoir le faire. Là, j'oublierai pas. Ben, je dis, c'est peut-être pas de ma faute, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est peut-être Gustave qui m'a joué un tour parce que je me fais un pouls de sa gueule et puis peut-être qu'il a décidé de prendre sa vengeance. Ça se pourrait. Donc, il a repris l'album dans la pochette, il l'a recaché quelque part. Je pense qu'il est dans mon lecteur, mais en fait, il l'a peut-être brisé. C'est un fantôme, il est malfaisant. Bon, faut vivre avec. On va se quitter sur une dernière pièce. Et ici, il y aura un lien avec le dernier bloc, puisqu'on a entendu, entre autres, des sides, on a entendu Vital Remains. Et évidemment, des sides, c'est la formation de Glenn Benton, bien entendu. Vital Remains, c'est une formation dans laquelle Glenn Benton a évolué jusqu'en 2007. Et on va se quitter avec une formation qui, étrangement, donnerait son premier album officiel studio. Il s'agit de la formation américaine qui vient de Floride, soit Hammond, avec l'album Lion Wait qui est paru en 2012. Et c'est un album qui est indépendant. Et je dis le lien parce que en 80... Attendez un petit peu, je vais vous dire. Je pense que c'est 87 à 89 exactement. Eh bien, le bassiste et le vocaliste étaient Glenn Benton. Donc, c'est un lien. C'est très différent, bien entendu, Lion Waits, de ce que font aujourd'hui Hammond, de ce qu'ils faisaient à la fin des années 80, bien entendu. Mais il y a quand même un certain lien, je dois dire, tiré par les cheveux un peu. Ben, Glenn en a plusieurs cheveux, donc on peut les tirer un peu plus qu'on pense. Dernière pièce, Among Us. C'est tiré, comme je l'ai dit, de l'album Lion Wait. C'est paru en 2012 de façon indépendante. Voici Hammond. La semaine prochaine, soyez-y parce que j'y serai. Et n'oubliez pas le principe de base qu'on doit tous appliquer, du moins minimalement, chaque mardi soir en fin d'émission de réanimation. Et ce qui est celui-ci, eh bien, c'est allez tous vous faire foutre. Et j'ajouterai foutre, foutre, foutre. Go! We'll be right back. Recognize that I am dead. Then walk on my blood.